Qu'est-ce que ça t'a fait de venir dans une école des grandes personnes? Moi, je trouve que c'est bien, je suis contente d'être venue. Je trouve que l'idée de Bernard est très bonne. C'est bien parce que le modèle, ça nous apprend à dessiner. Et on fait plein de choses intéressantes. C'est vrai, c'est toi? Toi, tu es contente de dessiner aussi? Moi, ça m'intéresse. Je suis contente. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Moi aussi. Mais tu préférais quel modèle? C'est la Catherine. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Salut. Et vous voulez qu'il aille, est-ce que vous voulez qu'il aille à Sainte-Marie? Oui. Mais tu crois que l'école va accepter qu'il aille qu'il poste une nuit? Tout le monde se marre aussi. C'est sympa. Ici c'est plus calme. Mais pourquoi il se marre? Je sais pas. Parce que c'est des imbéciles, ils sont toujours. C'est des imbéciles. Si, j'ai l'impression qu'ils sont impressionnés. Ceux qui vous disent, ils sont là. Il suffit qu'ils vous voient et hop, ils se marrent. Attends, tu aimerais être modèle, toi? Nous arrivons, ça. Tu aimerais être modèle, toi? Oui, c'est sympa. Pourquoi? Pourquoi? Et toi? Non, je suis là, ça sent comme dans l'école. Ça me dit rien. Et ben. En tout cas, j'étais contente de cette journée. C'était très bien. C'était bien organisé. C'est-à-dire que. Je sais pas, on avait pas tellement de problèmes. Non.